Dans cette situation, je m'écarte et je passe. Réponse A. Je ralentis et je passe. Réponse B. Je m'arrête. Réponse C.